animation complète. Il semblerait qu'être animateur d'une émission de radio musicale suppose que ce même animateur doive s'efforcer de plaire à son auditoire. Je suis assez d'accord dans la mesure où le dit animateur n'est pas tenu à diffuser des trucs qui lui donnent des nausées et voire même l'envie de gerber à la façon de Linda Blair dans L'Exorciste. Mais ce soir, j'ai conçu l'émission en fonction de moi-même, c'est-à-dire que les pièces choisies ne sont là que pour une seule et unique raison, me faire plaisir. De toute manière, on dit qu'il n'y a pas meilleur public que soi-même envers soi-même. Je fais donc plaisir à l'auditoire. Donc ce soir, au Undead Incorporated Show Réanimation, vous entendrez 7 pièces tirées de 7 albums de 1985 qui auront changé ma perception du métal. 7 pièces tirées des 7 parutions de la mythique formation Coroner. La présentation du nouvel album de Malevol & Creation et une ouverture d'émission avec 3 pièces fort intéressantes du métal. Voici donc Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui répond à ses patients. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Je suis trop occupé à écouter mes choix musicaux. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. Cause I, Pendragon, said so. Go. Take a bottle, drown your sorrow. je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 13 octobre de l'an des disgrâces 2015. Malheureusement, ce n'est pas un vendredi 13, c'est un mardi 13, mais on va faire avec. Je suis le Dr. Paint Pendragon et je vous accompagne métalliquement jusqu'à 21h. Je l'ai dit en introduction d'émission, ce soir, je me fais plaisir. Donc, si par la bande, ça peut vous faire plaisir, ben c'est tant pis pour vous. On vient d'entendre la formation Sepultura avec une des rares pièces de cette formation. Plus évidemment, la formation la plus connue, dirais-je, qui me plaît encore parce que je ne suis pas un grand fan de Sepultura pour quelques tunes ou pièces isolées. Mais Roots, Bloody Roots, pièce d'ouverture de Roots de 96, c'en est une. Encore là, c'est beaucoup plus la pièce musicale en tant que telle, parce que le vocal de Max Cavalera, c'est pas mon meilleur. Et c'est toujours pas mon meilleur non plus. Nous avions Merciful Fate. Hein. Là, par contre, j'aime bien le vocal de King Diamond et Black Funeral, qui est tiré de Melissa. Premier album de Merciful Fate paru en 1983 sur Megaforce. C'est vraiment... On parle souvent, Rockmaster et moi, le vendredi après-midi, des albums rock qu'on doit posséder dans sa collection si on est amateur. Ben, si vous êtes amateur de métal, vous devez avoir Melissa de Merciful Fate, bien entendu. On est ouvert avec Ozzy Osbourne et la pièce Suicide Solution, qui est tirée de Blizzard of Oz, paru en 80 sur Epic. C'était aussi le premier album qui marquait le début de la carrière solo de M. Osbourne en 1980, alors qu'il sortait d'une frasque de boire et déboire assez épouvantable, et que celle qui devait devenir sa gérante et épouse, Sharon, l'avait, faut lui donner ça, elle l'avait tiré de ce marasque de luxure, voilà, pour ainsi dire, et de mauvais penchant, pour le ramener sur la carte de la scène rock et metal. C'était une bonne chose, parce que, faut le dire aussi, Blizzard of Oz, c'est un des bons albums qu'on doit posséder. On le sait, Ozzy a fait plusieurs trucs qui ont été par la suite très contestables, voire même vraiment pas bons. Mais Blizzard of Oz, c'est un bon début de carrière solo. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, eh bien, dans quelques instants, je vais vous proposer 7 pièces tirées de 7 albums qui sont parus en 1985, du métal bien entendu, et qui auront, ma foi, je dirais changé, c'est un grand terme, mais pour le moins éclairé ma façon de concevoir le métal, qui, à cette époque, faut bien le dire, le métal proprement dit, elle était quand même relativement jeune encore. 7 albums, pardon, qui ont tous 30 ans, bien entendu, et qui, ma foi, aujourd'hui, je dois dire, je les apprécie encore tout autant 30 ans plus tard. C'est signe, probablement, que je n'ai pas de goût du tout, ou que les albums sont vraiment bons. Et j'opterais plus pour la deuxième hypothèse, qui est que les albums sont vraiment bons. Je vous parle de Slayer, bien sûr, parce qu'on se rappellera le 30 mars 1985, bien entendu, Slayer sortait l'album Hell Awaits, qui encore aujourd'hui est un emblème du métal, est un emblème, bien entendu, du groupe. C'est un des meilleurs qu'ils ont fait. Je vous parle d'Exodus aussi, qui le 30 avril... Je n'ai pas besoin de vous dire la date, c'est 85, bien sûr. Eux nous présentaient Bounded by Blood avec Paul Baloff, le regretté Paul Baloff, qui amenait une dimension au niveau du vocal très différente. Jeu de guitare assez hallucinant, entre autres par Gary Holt. Je vous parle le 24 mai, pardon, de Destruction et l'album Infernal Overkill. Pour plusieurs, c'est un album qui demeure probablement un album de... je dirais, quelque peu cheap. Je conçois assez facilement au niveau de la qualité de la production. Il faut savoir que Destruction, à l'époque, était c'était des kids. Puis pour eux, c'était plus important de pouvoir faire la fête et de jouer de la musique que de jouer de la musique tight. En fait, droite, si vous préférez. D'ailleurs, je l'ai déjà dit à quelques reprises, à cette époque-là, on avait... aussi Creator qui commençait et qui avait dit pour le deuxième album Pleasure to Kill, on remercie grandement Destruction de nous avoir fait comprendre qu'on ne jouait pas très bien. Je vous parle de Megadeth et leur première apparition le 30 juin, Killing's My Business and Business is Good. C'est un album qui a été aussi très révolutionnaire au niveau de la composition que Mustaine a amené, une musique qui parfois avait une tendance beaucoup plus progressive, ce qui était assez audacieux pour l'époque. Je vous parle de Stormtrooper of Death et l'album Speak English or Die qui est paru le 30 août 85 bien entendu, qui est un album de pure foire, si on veut. C'est un side project qu'il y avait eu entre Billy Milano et l'ancien bassiste de Anthrax, Dan Lilker, et deux membres actifs à l'époque et toujours d'Anthrax, qui sont Scott Ian et j'ai un petit banc de mémoire au niveau du batteur là. C'est vraiment plate là, mais ça va me revenir. Charlie Benante, voilà. Merci de m'avoir télésoufflé. Il y a quelqu'un ici dans le coin qui me dit les réponses quand je les ai pas là. C'est faux, il y a personne. Ben, en fait, oui, je vois quelqu'un, mais il est peut-être pas là pour vrai. Peu importe. Ah, c'est Igor! Bonjour, Igor. C'est un album qui ne se prenait pas au sérieux. C'est un album avec des pièces maximum de tout, peut-être, je dirais... J'ai l'impression que celle que je vais vous passer, là, en incluant l'introduction, c'est la plus longue, qui dure 3:53. Il y a des pièces de quelques secondes, mais ça a été très révolutionnaire. C'est encore aujourd'hui quelque chose de fort intéressant à écouter. Je vous parle de Possess, bien entendu, qui sont, avec leur parution de Seven Churches le 16 octobre, avoir été des icebreakers au niveau de ce qui devait devenir, ce qui était déjà à l'époque le death metal. Et bien entendu, pour le 27 octobre de cette même année, la sortie de Celtic Frost to Megatherion, qui était vraiment le premier album conceptuel, complet, studio de cette formation suisse, qui, aujourd'hui encore, je dirais, est considéré comme étant un album audacieux. Donc, sans plus attendre, je vous propose ces 7 pièces. Mille pardons, je ne suis pas totalement guéri. Que j'ai simplement baptisé les 7 pièces des 7 albums du Docteur de 1985. C'est assez original, hein? Go!

transformation. Scream. She won't believe. The evil takes control.

19h58 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show et ce jusqu'à 21h. Bon, j'avoue que j'étais un petit peu en retard dans les publicités, mais je vais me rattraper. Le reste de l'émission, ce ne seront que des pubs. On vient d'entendre ce premier petit spécial de la soirée qui était constitué ou déconstitué selon le cas de cette pièce tirée de cet album qui m'ont bien marqué en 1985. Avant cette pause, nous avions Celtic Frost, bien entendu, et la pièce Joel Throne qui est tirée de l'album du 27 octobre 85 To Megatherion, qui est un, selon moi, un vrai petit bijou du métal. Juste auparavant, nous avions, ben, je pourrais dire ça d'à peu près tous les albums, dans le fond, que j'ai présenté. Possessed et la pièce Twisted Minds. On retrouve ça sur le premier album de cette formation américaine qui est paru le 16 octobre 85 sous l'étiquette Combat Seven Churches et qui est le seul vrai très bon album parce que dans les faits, il n'y en a pas beaucoup de Possessed. Beyond the Gate, je pense, qui était le titre de l'album qui a suivi, qui avait une qualité d'enregistrement assez pénible et les pièces étaient beaucoup moins originales. Stormtrooper of Death et la pièce March of the SOD. Ben, en fait, la pièce, c'est l'ouverture instrumentale March of the SOD qui tout de suite fait le prélude à Sergeant D and the SOD. C'était l'ouverture de l'album Speak English or Die qui est paru le 30 août 1985 sur Megaforce. Megadeth et Love to Death qui est tiré de Killing is My Business and Business is Good qui en juin, j'ai dit le 30, oui c'est ça, juin, oui effectivement, est en juin 1985 également, bien entendu sur Combat, c'est un très bon album, ça l'est encore. Destruction, bon c'est peut-être le, peut-être que certains d'entre vous vont dire, ben c'est le maillon le plus faible de ta chaîne docteur, I don't care. Non, Destruction et la pièce Bestial Invasion, c'est tiré de Infernal Overkills qui est paru le 24 mai, qui a également 30 ans bien sûr sur Steam Hammer. Écoutez, il faut le dire, comme je l'ai dit d'emblée tout à l'heure en présentation de ce spécial, Destruction, c'était pas le groupe là, le plus, je dirais, le plus technique, loin de là, les productions les meilleures, non. Mais il faut donner à César ce qui est à César, et Destruction, quand c'est arrivé, ça l'a bougé un peu l'air dans la pièce. Et moi, ça m'avait bien plu. Exodus est la pièce Deliver Us to Evil, qui est tirée de Bundled by Blood, qui est paru en avril 85 sur Torrid Records. Et nous avons ouvert avec Slayer, et bien entendu, la pièce de cet album, Hell Awaits, paru en mars, qui est une excellente pièce, qui est toujours, qui est un des albums très forts de Slayer, qui est paru sur Metal Blade. D'ailleurs, vous aurez constaté avec le nouvel album de Slayer, Repentless, qu'ils ont mis un terme à leur très longue association avec ce qui était maintenant devenu American, qui était à l'époque Def Jam, puis American Recording, et ainsi de suite. Ils ne sont plus avec eux. Je ne sais pas pourquoi. Bref, côté musique, j'en ai parlé la semaine dernière. On en a fait un peu le procès, le Rockmaster et moi. On a eu beaucoup de plaisir à le faire. Je m'étais retenu pour vous en parler mardi dernier à réanimation du nouvel album de Wasp, Golgotha. Ben écoutez, il faut que je vous le dise, là, pour ceux qui ne suivent pas ou qui ne peuvent pas suivre Rock Classic le vendredi, c'est épouvantable. C'est une aberration, cet album-là. C'est vraiment quelque chose de très, très, très mauvais. Je ne le conseille pas absolument à personne. Je le conseillerais même pas à quelqu'un qui veut se mettre à détester la musique parce que il y aura probablement de grosses convulsions à écouter ça. Donc, j'exagère, là, mais c'est vraiment pas bon comme album, Golgotha de Wasp. Je vous conseille absolument pas. Perdez pas votre temps avec ça et perdez encore moins votre argent. La semaine prochaine, je vais vous présenter deux trucs nouveaux. Que j'ai découvert au fil des dernières semaines, qui sont respectivement une formation américaine qui donne dans un old school death trash metal qui porte le nom de Hypoxia et l'album Despondent Death, qui est sur l'étiquette Ultimate Massacre Production, que je ne connais pas. Bref, je vous présente ça la semaine prochaine et je vais le chroniquer, bien entendu, aussi. Et l'autre album que je vous présenterai, c'est celui d'une formation australienne qui donne dans un technical death trash metal, mais à connotation symphonique par moment, qui porte le nom de Ouroboros. Et l'album est Emanation. L'Ouroboros, si vous voulez savoir ce que c'est le symbole qu'on trouve souvent, qui est un serpent ou un dragon qui est roulé sur lui-même et qui se mord la queue. Donc, je vous en parle plus amplement la semaine prochaine. Là, par contre, je vous propose une nouveauté qui est parue il y a 7 ou 8 ans de cela. Non, c'est pas vrai. C'est quelques... à peine, je dirais... je sais même pas, je peux dire encore quelques semaines, c'est peut-être trop. Il s'agit de la formation Malevolent Creation, qui donne dans un death metal assez énergique. Formation américaine qui en sont à leur 12e album et qui nous propose cette nouvelle parution Dead Man's Path, qui est parue sur Century Media, qui est disponible en CD et en vinyle aussi, si ça peut vous intéresser. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cet album-là. Ben, je suis un amateur de Malevolent Creation. Je leur ai toujours reproché quelque chose, c'est que généralement, la production était moyenne. Alors qu'ici, ben, c'est supérieur. Je peux pas vous dire que c'est du Deutsche Grammophon, là, c'est pas vrai. Je peux pas vous dire que c'est une qualité audio à la Yes. Non, pas du tout. Mais c'est une qualité d'enregistrement qui s'est bien amélioré et qui est bien correct aussi pour ce 12e album de Malevolent Creation. Moi, j'ai bien aimé dans l'ensemble. J'ai trouvé très peu de moments faibles dans l'album. C'est 44 minutes 30 et une, ben exactement, de bon métal. Et puis, je pense que ça vaut la peine amplement que vous le tapiez. Je vous propose d'ailleurs trois pièces qui sont tirées de cet album Dead Man's Path. Allons-y à l'instant, on va entendre la troisième, quatrième et cinquième pièce qui sont respectivement Imperium Kill Force Rising, Corporate Weaponry et Blood of the Fallen. Malevolent Creation, go! Silence! Audiomatique avec les électronistes tous les mercredis à 17h. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, tous les jeudis à 9h30. FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Et le temps nous presse. Avant cette pause publicitaire, nous avons entendu trois extraits du nouvel album de Malevolent Creation, soit leur 12e album, Dead Man's Path, paru sur Century Media. Les pièces étaient Blood of the Fallen, Corporate Weaponry et Imperium Kill Force Rising. Je lui accorde un 8 sur 10 à cet album et croyez-moi, c'est certain qu'on va en réentendre ici. Je vais essayer de faire vite côté cinéma parce que je dois dire que à travers ce que j'ai écouté, il n'y a pas grand-chose qui a été vraiment bon à part un. Je vais commencer par les cochonneries. La pire cochonnerie étant un film de science-fiction tourné pour la télévision qui porte le titre de Zodiac Signs of the Apocalypse. qui raconte l'histoire d'une conservatrice d'antiquité de l'université qui reçoit un nouvel artefact qui est vieux de 2000 ans, qui est une pierre qui doit engendrer un certain mécanisme qui déclenche des cataclysmes qui sont la venue de l'apocalypse, donc la fin du monde. Ben, à la rigueur, je dirais que le synopsis avait l'air d'être relativement intéressant, quoique c'est rien de nouveau. Mais il s'est avéré que c'était un film qui, surtout au niveau des effets spéciaux, était vraiment abominable. L'histoire en tant que telle, ça se tenait. C'était correct, mais c'était ce qui allait autour, là. La sauce qui allait dans le ragoût là, était un peu de mauvais goût. Donc c'est un film auquel j'ai accordé une note de 5 sur 10, et croyez-moi, je n'ai pas vraiment l'intention de vouloir revoir ce film éventuellement. Ça, c'est certain. Autre truc que je dois dire qui m'apparaît être assez décevant. Il me reste 2 épisodes sur 6 à écouter. C'est Fear of the Walking Dead, qui est présenté par AMC Channel, qui est bien entendu ceux qui présentent The Original Walking Dead, qui se voulait une forme, si on veut, un peu d'une préquelle, qui devait expliquer un peu le pourquoi du parce que. J'ai beaucoup de difficultés avec la crédibilité de cette série-là. C'est très long, on nous présente beaucoup de moments de d'état d'âme des acteurs, des personnages, si vous préférez. Acteurs qui ne sont pas vraiment convaincants. Quelques-uns, les deux principaux, on les a vus dans d'autres productions. Mais moi, ça m'enchante pas vraiment, honnêtement. Là, je vais quand même laisser la chance de terminer les 2 épisodes qui me restent pour m'en faire une idée vraiment claire, nette et précise. Donc, je vous recommuniquerai la semaine prochaine, mais jusqu'à présent, je suis pas tellement emballé. Autre film que je croyais être d'un intérêt certain, il s'agit du film Deathgasm, qui est une comédie d'horreur qui raconte l'histoire de 2 adolescents marginaux qui sont Zach et Brody, qui décident de fonder leur groupe metal répondant au nom de Deathgasm, et ils découvrent à un certain moment donné des partitions qui sont mystiques, et ils décident avec le groupe de les interpréter. Et cette pièce-là, c'est une forme d'incantation qui ouvre la porte au mal, si on veut, aux forces démoniaques, et ainsi de suite. J'ai qualifié ça, si on veut, d'un peu de Evil Dead Metal, avec moins de grandiose, évidemment, que la production originale de 81 de Sam Raimi, qui est devenu culte, faut le dire. C'est gore, c'est metal, mais c'est un peu simpliste. C'est divertissant, mais ça frise un peu la ligne de l'ennui par moment. Je lui ai quand même accordé 5,5 sur 10 parce que les pièces métal sont quand même bonnes dans le film, faut dire ça. L'autre truc par contre que j'ai trouvé pas mal bon, il s'agit d'un film que je voulais voir depuis un certain temps qui s'appelle The Vatican Tapes, qui est un film d'horreur, de possession, qui est un film de Mark Riveldine, qui raconte l'histoire d'une jeune femme, Angela Holmes, une femme de 27 ans, qui comprend un jour que sa présence sur Terre a un effet dévastateur de son entourage, s'inflige des blessures, voire la mort à ceux qui l'approchent. Donc, le Vatican, parce que c'est présenté, c'est amené le film comme si c'était une espèce de reportage documentaire dès le départ pour amener de la crédibilité. Donc, le Vatican, lui, commence, c'est très actuel comme film d'ailleurs, là, ça se passe en temps réel, sûrement en temps réel. J'ai écouté hier, ça veut dire que ça se passe encore. Ben non! Ben, ça se passe en 2015. Et ce que ça raconte, c'est que le Vatican dit tous les phénomènes qu'on ne peut s'expliquer à travers la Terre ne sont probablement pas tous dus à la folie humaine ou à des maladies mentales, et nous croyons de plus en plus qu'il s'agit de cas de possession démoniaque. Donc, un cardinal est dépêché pour aller voir la jeune Angela Holmes, et finalement, il s'avère, je ne veux pas gâcher de punch, il n'y en aura pas de punch vraiment, c'est un film quand même qui est soutenu tout le long, là. Il s'avère qu'elle est la naissance de l'Antéchrist. Jusque-là, ça a l'air un peu stéréotypé, parce que plusieurs films ont voulu exploiter ça, mais c'est amené d'un autre coup d'œil, c'est amené d'un angle tout à fait rafraîchissant, c'est très original, c'est bien fait, c'est fort convaincant, il y a quelques rebondissements tout à fait intéressants et délectables dans ce Vatican Tapes, et moi,

Corner. En fait, j'aurai pas le temps de faire mon spécial en entier. Le temps passe beaucoup trop vite. On vient d'entendre Divine Step, Conspecto Mortis. C'est tiré de Mental Vortex qui est paru en 91. Nous avons Read My Scar, tiré de No More Color de 89. Sudden Fall, tiré pour de Punishment for Decadence de 88. Fried Alive, tiré du premier album officiellement studio de Corner, R.I.P. de 87. Nous avions Spectators of Sin, qui mettait le vocal de Thomas Fisher Warrior en avant-scène. C'est tiré de The Hell No Raw and Unreleased, qui est paru en 96, qui est une compilation entre 85 et 95. 1995 de pièces qui ne sont pas sorties. Je vous rappelle que ce vendredi, Rock Classic, le Rockmaster et moi serons là pour vous divertir, nous l'espérons, avec le fameux 3 pour 1, le traditionnel 3 pour 1. Entre autres, Alain vous proposera deux albums vinyle classiques qui sont parus il y a 30 et 40 ans ce mois-ci, soit respectivement les disques Live After Death d'Iron Maiden et God Bluff, excellent, de Van der Graaf Generator. Entre autres, nouveautés de Tank et de Savage. Pour les vrais amateurs de vrai rock, bien sûr. Donc, vous autres, les deux en avant ici, là, écoutez pas ça. Je vous laisse place dans quelques instants pour les gars de Matière Noire, Alex et Sam, qui sont là pour probablement faire de leur mieux, ce qui va probablement être pas grand-chose, j'imagine. Ah! Moi, je vous laisse sur un dernier petit bout de pièce de Coroner qui est tiré de l'album Green, la pièce Green Nails Hurt. Je serai là la semaine prochaine pour je ne sais plus trop quoi, mais c'est pas grave. D'ici là, allez tous vous faire foutre. Restez assez fous, c'est Matière Noire. Ciao! Waves of time.